Chapitre 26e. Guerre. Nous ne suivrons pas Sir Roger jusqu'à son tombeau, et nous ne nous assoirons pas au banquet funèbre de ses obsèques. On ensevelit toujours avec pompe les hommes comme Sir Roger, et nous avons déjà vu qu'un littérateur avait adressé à la postérité un récit exact et pittoresque des grandes actions de sa vie. Quelques jours après, le docteur était réinstallé dans son paisible intérieur, et Sir Louis régnait la place de son père à Boxall Hill, avec un pouvoir très limité, il est vrai, et un revenu plus que médiocre à son avis. Nous reparlerons sous peu de lui, car nous raconterons sa carrière de baronnet, mais pour le moment, nous retournerons auprès de nos amis plus aimables de Greshamsbury. Ses amis n'avaient rien fait pour se montrer aimables les uns aux autres. Pendant l'absence du docteur, sa nièce était souvent trouvée avec Patience Auriel, et plus souvent encore avec Béatrice Gresham. Mary eut sans doute préféré la société de Patience à celle de Béatrice, quoiqu'elle aimât beaucoup plus cette dernière, mais elle n'avait pas la liberté du choix. Quand elle allait au presbytère, Béatrice y allait aussi, et lorsque Patience venait chez Mary, Béatrice l'accompagnait ou ne tardait pas à l'y rejoindre. Il n'eût guère été possible à Mary d'éviter leur société, alors même qu'elle l'eût jugé plus prudent. Le complet isolement qui en serait résulté pour elle eût été presque intolérable dans d'aussi tristes circonstances. Les deux jeunes filles connaissaient non son secret, car elles n'en avaient pas, mais l'injustice dont elle était la victime. Elles savaient que, malgré son innocence, Mary supportait seule tout le poids de la punition, et comme jeune fille et comme amie, elles ne pouvaient que lui accorder toute leur sympathie et en faire ce que nous en faisons nous-mêmes, une petite héroïne de roman. Ce n'était peut-être pas rendre service à Mary, mais à coup sûr, cela ne lui était pas désagréable. Miss Auriel, plus âgée que Béatrice, était par conséquent moins susceptible de sentiments romanesques. Elle s'était jetée dans les bras de Mary, parce qu'elle avait compris que son amitié était nécessaire à la pauvre enfant, et elle cherchait à la distraire de ses chagrins. Béatrice, quoique tout aussi sincère dans ses témoignages de sympathie, voyant plutôt le côté sentimental de la position de Mary, ne demandait qu'à pleurer et à se lamenter avec elle. Patience avait toujours parlé de l'amour de Frank comme d'un malheur, et de sa conduite comme d'un égarement que sa jeunesse seule excusait. Elle n'avait jamais paru supposer que Mary pût répondre à son amour. Mais pour Béatrice, elle ne voyait dans toute cette affaire qu'un labyrinthe de difficultés, un nœud gordien impossible à dénouer. Quand elle était seule avec Mary, elle ne parlait que de Frank, et à dire vrai, Mary ne s'y opposait pas comme elle aurait peut-être dû le faire. Béatrice convenait bien qu'un mariage entre eux était impossible. Frank, disait-elle, devait faire un mariage d'argent, et elle ajoutait même quelquefois, sans penser à la peine qu'elle faisait à Mary, qu'il devait épouser une femme qui eût non seulement la richesse, mais aussi la naissance en partage. Puis elle n'en déclarait pas moins qu'elle aurait aimé avoir Mary pour belle-sœur, et que Frank eût été bien digne de son amour si un pareil amour eût été possible. « C'est si malheureux, disait-elle, vous vous seriez si bien convenu. » « Quelle folie, Béatrice! Nous ne nous serions convenus sous aucun rapport. Au contraire, et puis papa vous aime tant. Et votre maman aussi, c'eût été charmant. Oui, et maman aussi, c'est-à-dire si vous aviez de la fortune, dit naïvement la jeune fille. Personnellement, elle vous a toujours aimé, vous croyez? Toujours, et nous vous aimions tous tellement. Particulièrement Lady Alexandrina. Cela n'aurait rien fait, car Frank lui-même ne peut souffrir les deux Courcy. Ma chère amie, peu importe que votre frère aime ou n'aime pas pour le moment, son caractère est encore à former. On ne peut répondre ni de ses goûts ni de son cœur. Oh, Mary, son cœur. Oui, son cœur. Je ne mets pas en doute qu'il en est un, mais il ne le comprend pas lui-même. Vous ne le connaissez pas, Mary. Ces conversations n'étaient pas sans danger pour la pauvre Mary. Elle en vint même bientôt à préférer la sympathie de Béatrice à la douce gaieté de Miss Auriel. C'est ainsi que les jours se passèrent durant l'absence du docteur, ainsi que la première semaine qui suivit son retour à Greshamsbury. Pendant cette semaine, il eut de fréquentes entrevues avec le squire. En sa qualité de dépositaire légal des biens de Sir Roger, il avait entre les mains tous les titres hypothécaires sur la propriété de M. Gresham. Il était donc nécessaire qu'il s'entendisse à cet égard. Mais comme le docteur ne voulait aller au manoir qu'en qualité de médecin, le squire fut obligé de se rendre chez lui. L'inquiétude commença alors à gagner Lady Arabella. Frank, il est vrai, était à Cambridge, et on avait réussi à le tenir éloigné de Mary depuis que sa mère s'était doutée du danger qu'il courait. mais ce n'était pas assez pour Lady Arabella, tant que sa fille entretenait des relations avec la coupable et que son mari voyait journellement le docteur. Il lui sembla tout à coup qu'en bannissant Mary du manoir, elle s'était par le fait bannie elle-même du cercle social le plus intime de Greshamsbury. Elle s'exagérait l'importance des conversations entre les jeunes filles. Il n'était même pas sans crainte sur l'influence que le docteur pouvait exercer sur son mari. Lady Arabella résolut donc de rompre une autre lance avec le docteur. Sa première tentative avait été couronnée d'un plein succès. Personne n'aurait pu se montrer plus débonnaire que le terrible ennemi qu'elle avait toujours redouté d'attaquer. En moins de 10 minutes, elle avait réussi à exiler non seulement la nièce, mais encore l'oncle, tout en conservant les services de ce dernier comme médecin. Et ainsi que cela arrive toujours, elle commençait à mépriser l'ennemi qu'elle avait vaincu et à croire qu'une fois terrassé, il ne se relèverait jamais. Son but était de rompre les relations intimes qui existaient entre Béatrice et Mary et d'entraver autant que possible celles du squire et du docteur. On pourrait croire qu'il eût été plus facile d'atteindre ce but en manœuvrant habilement chez elle, mais elle l'avait essayé et n'avait pas réussi. Elle avait averti Béatrice du danger de son intimité avec Mary Thorne, et elle avait choisi à dessein, quoique fort mal à propos pour elle, un moment où le squire était présent. Celui-ci avait immédiatement pris le parti de Mary en disant qu'il ne voulait pas de querelle entre sa famille et celle du docteur, que Mary était une charmante fille sous tous les rapports et bien digne d'être l'amie de Béatrice. Enfin, il avait fini par déclarer qu'il ne permettrait pas que la pauvre enfant fût persécutée à cause de Frank. La discussion ne s'était pas bornée là, mais pour en finir, nous dirons que Lady Arabella s'était décidée à parler elle-même au docteur. Elle résolut même d'aller le relancer chez lui et de lui tenir tête sur son propre terrain. Ayant appris que Béatrice et Mary devaient passer une après-midi au presbytère, elle profita de cette occasion. Il y avait bien des années que Lady Arabella n'avait honoré cette demeure de sa présence. Mary avait si complètement fait partie de sa famille qu'à part les rares occasions où la jeune fille avait été malade, Lady Arabella n'avait jamais songé à lui rendre visite. Tout cela, elle le comprenait, devait ajouter à l'importance de sa démarche, et elle se promit d'y ajouter encore par la force de ses arguments. Elle se trouva bientôt assise en tête-à-tête avec le docteur dans son cabinet d'études. Elle ne fut nullement intimidée à la vue de l'immense paire de tibias qui était sur la table et que le docteur avait coutume de manier avec beaucoup d'énergie lorsqu'il donnait audience dans ce sanctuaire. Un crâne d'enfant qui semblait faire la grimace sur la cheminée ne la déconcerta pas davantage. « Docteur, dit-elle après que les premières formalités de la politesse eurent été remplies, et en parlant de son ton le plus mielleux, j'ai encore de l'inquiétude au sujet de mon fils, et j'ai cru qu'il valait mieux venir vous voir pour vous dire franchement ce que je pense. » Le docteur s'inclina en disant qu'il regrettait que son jeune ami Frank donnât quelques sujets d'ennui à sa mère. « Oui, en vérité, je suis on ne peut plus inquiète, docteur, et comme j'ai la plus entière confiance dans votre prudence et dans votre amitié, j'ai pensé qu'il valait mieux venir vous parler à cœur ouvert. » Lady Arabella s'arrêta et le docteur s'inclina de nouveau. « Personne mieux que vous ne connaît le terrible état dans lequel se trouvent les affaires du squire. » « Mais pas si terrible, dit tranquillement le docteur, du moins autant que je puis en juger. « Ah, docteur, vous savez ce qu'il doit à son fils. Quant à moi, le squire ne me dit jamais rien, mais je sais que la somme est assez forte pour obérer la propriété et ruiner Frank. Non, pas pour le ruiner, j'espère. Quoi qu'il en soit, je ne suis pas venu pour en causer avec vous. Comme je vous l'ai dit, je ne sais rien des affaires du squire et je ne vous demande pas de m'y initier. » Mais je suis sûr que vous conviendrez avec moi que j'ai le droit de me préoccuper de ce qui concerne mon fils unique. » Et Lady Arabella porta son mouchoir à ses yeux. « Certainement, dit le docteur. Mais quant à moi, Lady Arabella, mon opinion sur Frank est telle que je suis convaincu qu'il fera bien son chemin. » Et dans son énergie, le docteur brandit un des tibias presque sous le nez de Lady Arabella. « Je l'espère, docteur. « Mais il y a des dangers à surmonter. Il est si vif, si inconsidéré, que je crains que son cœur ne l'entraîne trop loin. Vous le savez, il est perdu s'il ne fait pas un mariage d'argent. » Le docteur garda le silence et fronça légèrement le sourcil. « Il faut qu'il épouse une femme riche, docteur. Or, avec votre concours, nous avons déjà réussi à la séparer de cette chère Mary. Avec mon concours, vous êtes dans l'erreur, Lady Arabella. Je ne me suis pas mêlé de cette affaire et je ne m'en mêlerai jamais. » « Bien, bien, docteur. Vous ne vous en êtes peut-être pas mêlé, mais vous êtes convenu avec moi que les deux jeunes gens avaient été imprudents. » « Je ne suis nullement convenu de cela, Lady Arabella. Non seulement je ne suis pas convenu que Marie eût jamais été imprudente, mais je n'en conviendrai pas maintenant, et de plus, je ne permettrai à personne de le dire devant moi sans le nier formellement. » Et le docteur se mit à brandir ses deux tibias d'une manière qui commença à alarmer Lady Arabella. « Dans tous les cas, dit-elle, vous avez pensé qu'il valait mieux que les deux jeunes gens fussent séparés. Je n'ai pas non plus pensé cela. » Ma nièce, j'en étais sûre, ne courait aucun danger. Je savais qu'elle ne se rendrait jamais coupable d'aucune action qui pût faire rejaillir de la honte sur elle ou sur moi. « Pas de la honte, » dit la grande femme d'un ton doucereux, en prêtant peut-être aux paroles du docteur un sens qu'il ne leur donnait pas. « Je n'avais aucune inquiétude au sujet de ma nièce, » reprit le docteur, « et je ne désirais aucun changement dans nos relations. Franck est votre fils, il est de votre devoir de le surveiller. » Vous avez jugé à propos, pour arriver à ce but, de prier Mary de s'abstenir d'aller au manoir. « Oh non, non, non !» dit Lady Arabella. « Je vous demande pardon, Milady. Et comme Greshamsbury vous appartient, nous n'avions pas le droit de nous plaindre. Nous nous sommes conformés à vos désirs, non sans qu'il nous en coûtât beaucoup, mais enfin nous nous y sommes conformés. Vous n'avez donc pas le droit de vous plaindre de nous. » Lady Arabella ne s'était pas attendue à se voir si vaillamment tenir tête par le docteur. Il avait cédé si facilement une première fois. Elle ne comprenait pas que lorsqu'elle avait prononcé la sentence d'exil de Mary, elle avait rendu un arrêt qu'elle avait le droit de faire exécuter, mais dont l'exécution avait placé Mary en dehors de son pouvoir. Elle fut donc assez surprise de la ténacité du docteur. Cependant, elle reprit courage, se rappelant sans doute le proverbe qui dit que la fortune ne favorise que l'audace. « Je ne me plains pas, docteur Thorne. » dit-elle d'un ton qui convenait mieux à une de Courcy que celui qu'elle avait pris jusqu'alors. « Je ne me plains ni de vous ni de Marie. Vous êtes bien bonne, Lady Arabella. Mais je crois qu'il est de mon devoir de m'opposer formellement à tout ce qui peut ressembler à de l'amour entre mon fils et votre nièce. Je ne vous en empêche pas. Si un pareil amour existe, mettez-y fin, c'est-à-dire si vous en avez le pouvoir. » Le docteur devenait ici un peu imprudent, mais il commençait à trouver qu'il avait assez cédé. Et bien qu'il comprît qu'il ne pouvait raisonnablement encourager un pareil mariage, il avait résolu de donner à entendre à Lady Arabella que sa nièce à lui valait bien son fils à elle, et que si ce mariage était imprudent, il le serait autant pour l'un que pour l'autre. « Il est de mon devoir de m'y opposer, » reprit Lady Arabella, un peu plus sur le ton des deux Courcy, « et c'est aussi le vôtre, docteur Thorne. »« Mon devoir ?» dit-il en se levant et en s'appuyant sur la table avec ses deux tibias. « Une fois pour toutes, Lady Arabella, je ne veux intervenir en rien dans toute cette affaire. Mais vous ne voulez pas dire que vous encouragerez mon malheureux enfant à épouser votre nièce. Ce malheureux enfant que je regarde, moi, comme très heureux, est votre fils et non le mien. Je n'ai pas à m'occuper de son mariage ni d'une manière ni d'une autre. Vous trouvez donc convenable que votre nièce se jette ainsi à sa tête ? Se jette ainsi à sa tête ? Que diriez-vous, Lady Arabella, si j'allais à Greshamsbury vous parler de vos filles en ces termes ? Que dirait mon excellent ami, M. Gresham, si la femme d'un de ses voisins venait lui tenir un pareil langage? Il lui dirait poliment de retourner chez elle et de se mêler de ses propres affaires. » La position était délicate pour Lady Arabella. Jamais encore le docteur n'avait osé la mettre sur un pied d'égalité avec le commun des mortels, ni la comparer à aucune autre femme du comté. De plus, elle n'était pas bien sûre que lui, le docteur du village, ne la priât pas elle, la fille d'un comte, de s'en retourner chez elle et de se mêler de ses propres affaires. C'était un point qui admettait quelques doutes, et elle en profita pour ne pas avoir l'air de comprendre. « Il ne me conviendrait pas de discuter avec vous, docteur Thorne. »« Non, pas sur ce sujet, du moins, » dit-il. « Je ne puis que répéter que je n'ai jamais eu l'intention de blesser notre chère Marie. Je crois même lui avoir toujours témoigné l'affection d'une mère. » « Croyez, Lady Arabella, que nous n'oublions ni l'un ni l'autre les bontés dont elle a été l'objet à Greshamsbury. Mais je dois faire mon devoir, et mes enfants passent avant tout. C'est tout naturel, Lady Arabella. Je suis donc venu pour vous dire que je trouve imprudent que Béatrice et Marie soient aussi souvent ensemble. » Le docteur, qui était resté debout pendant la dernière partie de cette conversation, commença alors à se promener en tenant toujours ses deux tibias à la main. « Miséricorde, Lady Arabella, vous soupçonnez donc votre fille aussi bien que votre fils ? Pensez-vous que Béatrice aide Mary à accomplir un mariage clandestin ? Je vous avoue franchement que je ne vous comprends plus. »« Je ne soupçonne personne, docteur Thorne, mais les jeunes gens se conduisent comme des jeunes gens. »« Et les vieilles gens doivent rester vieilles gens, c'est malheureux. »« Lady Arabella, Mary est comme ma fille. » Elle me doit l'obéissance d'un enfant, mais comme je ne désapprouve nullement son intimité avec votre fille Béatrice, que je la vois au contraire avec plaisir, vous ne devez pas vous attendre à ce que je m'y oppose. » Mais si elle devait renouer des relations entre Franck et Mary ? Je ne m'y opposerai pas non plus. Franck est un jeune homme charmant, distingué et très agréable comme voisin. Docteur Thorne, Lady Arabella, je ne puis croire que vous ayez l'intention d'exprimer le désir. Vous avez raison. Je n'ai pas l'intention d'exprimer le moindre désir. Mary est libre jusqu'à un certain point de choisir ses amis. Je crois qu'elle a fait un très bon choix en ce qui regarde Miss Beatrice Gresham, et s'il lui convient même d'ajouter Frank Gresham au nombre. Des amis ? Mais ils étaient plus que cela, c'étaient des amoureux déclarés. J'en doute, Lady Arabella, car Mary ne me l'a pas dit. Mais alors même qu'il en serait ainsi, je ne vois pas pourquoi je m'y opposerais. Vous ne vous y opposeriez pas ? Comme je vous l'ai déjà dit, Franck est à mon avis un excellent jeune homme. « Docteur Thorne !» s'écria la grande dame en se levant avec une extrême agitation. « Pourquoi m'y opposerais-je ? » reprit le docteur avec calme. « C'est à vous de veiller sur votre troupeau et à moi de protéger autant que possible le mien. Si vous trouvez que Marie soit une connaissance à éviter pour vos enfants, c'est à vous de les guider, à vous et à leur père. Faites ce que vous jugerez bon. » Pour votre fils, mais je ne permettrai à personne de se mêler de ma nièce. » Se mêler ? Dit Lady Arabella, confondue de l'audace du docteur. Oui, je ne le permettrai à personne. Elle a beaucoup souffert des accusations injustes que vous avez portées contre elle. Vous aviez le droit de la bannir de chez vous si vous le jugiez à propos, bien qu'après l'avoir connue depuis tant d'années, vous eussiez pu la traiter avec plus de bienveillance. Cependant, vous en aviez le droit et vous en avez usé. Mais là s'arrête votre pouvoir, Lady Arabella. Vous ne la persécuterez pas ici, sur le seul terrain qui lui appartienne. » La persécuter, docteur Thorne, voulez-vous dire que je l'ai persécutée ? Oui, certes. Et vous continueriez à la persécuter si je n'y mettais ordre. Non seulement vous lui avez interdit l'entrée de votre maison, mais vous voudriez encore la priver de tous les plaisirs innocents de son âge. De crainte qu'elle n'entende parler de votre fils par sa sœur, vous voudriez l'enfermer et la priver de la lumière du jour. « Docteur Thorne, comment pouvez-vous ? » Mais le docteur ne se laissa pas interrompre. « Il ne vous est jamais venu à l'idée, n'est-ce pas, d'agir de même avec votre fils ? Oh non, c'est l'héritier de Greshamsbury, c'est votre fils, c'est le petit-fils d'un noble titré. Il est d'ailleurs plus naturel qu'il conte fleurette à la nièce du docteur. Mais quant à elle, c'est déjà un crime impardonnable de sa part que d'avoir été forcé de l'écouter. » Entendons-nous bien, Lady Arabella. Je serai enchanté de recevoir chez moi les membres de votre famille qui voudront bien y venir, et enchanté aussi d'apprendre que Mary s'est trouvée avec eux dans d'autres maisons. Si demain elle venait me dire qu'elle a promis sa main à Franck, j'en causerai tranquillement avec elle, et en vue de ses propres intérêts, comme cela serait mon devoir, et tout en me disant que Franck serait très heureux de posséder une femme comme elle. Vous connaissez maintenant ma façon de penser, Lady Arabella. C'est ainsi que je comprends mon devoir. Faites le vôtre comme vous l'entendrez. » Lady Arabella avait déjà compris que, pour cette fois du moins, elle ne devait pas compter sur la victoire. Elle était cependant aussi irritée que le docteur, mais c'était moins l'irritation de son adversaire qui provoquait la sienne que la détermination évidente qu'exprimait celui de lui enlever le prestige de son rang et de la mettre sur un pied de complète égalité sociale avec lui. Jamais le docteur Thorne n'avait été aussi audacieux, aussi arrogant. Lady Arabella résolut donc, en se retirant, de rompre toute espèce de relation avec lui. « Docteur Thorne, je crois que vous êtes oublié. Vous m'excuserez donc si je vous avertis qu'après ce qui vient de se passer, je... »« Certainement, » répondit le docteur, qui devina ce qu'elle voulait dire. Il s'inclina profondément en ouvrant la porte de son cabinet, puis la porte d'entrée et en dernier lieu celle du jardin. Lady Arabella se retira majestueusement, non sans avoir été vue de Mrs. Yates Umbleby et de son amie Miss Gushing, qui demeurait vis-à-vis du docteur.